Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les propositions d'Ernest Bévin, secrétaire aux affaires étrangères, dans le cadre de la question palestinienne ? Pourquoi l'homme politique britannique avance-t-il le 7 février 1947 son ultime proposition de tutelle de l'ONU? Comment les Britanniques refusent-ils d'imposer par la force une recommandation qui serait rejetée par les Juifs ou par les Arabes? Quel est le plan de partage de la Palestine qui va se mettre en place, s'interroge aujourd'hui l'historien Henri Laurence. Dans les derniers cours de sa série pluriannuelle consacrée aux crises d'Orient, Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Histoire contemporaine du monde arabe », s'attache au premier conflit israélo-arabe, à ce qu'on appelle la question palestinienne. Il montre comment ce conflit a donné un coup mortel à l'hégémonie britannique au Proche-Orient, dont l'historien étudie l'évolution de 1926 au début de la guerre froide. En Palestine, les violences et les assassinats contre les Britanniques et les Arabes se multiplient en 1946-1947. Les groupes sionistes extrémistes, l'Irgun et le Stern, organisant des attentats. La Grande-Bretagne ne peut que constater sa situation d'échec dans l'expérience mandataire en Palestine, alors qu'après l'élimination de la présence française en Syrie et au Liban, les Britanniques avaient tenté de se poser en gestionnaire unique des affaires du Moyen-Orient. Comme l'écrit Henri Laurence dans le volume 4 des Orientales, et comme nous allons le voir aujourd'hui et dans le dernier cours lundi, le conflit palestinien de 1947-1949 ruine cette ultime tentative d'hégémonie. Il est vrai que le face-à-face des Britanniques avec l'allié américain joue contre la Grande-Bretagne, qui dénonce un président Truman préoccupé par le poids politique des Juifs américains, désormais favorable au mouvement sioniste depuis la tragédie de la Shoah et de celle des populations déplacées après 1945 dans le cadre de la constitution du Bloc de l'Est et des débuts de la guerre froide. Les Anglais dénoncent des Américains qui jouent avec le feu sur la question palestinienne. Des Américains partagés entre un Truman plutôt favorable à la constitution d'un État d'Israël et les guerriers américains de la guerre froide qui sympathisent dans le dossier palestinien avec les Britanniques sans avoir le droit de l'exprimer publiquement, explique encore Henri Laurence. De la conférence à Londres de l'automne 1946 à la transmission du dossier palestinien à l'ONU en 1947, en l'absence d'accord entre les différents partis, comment les Britanniques souhaitent-ils désormais quitter la Palestine? Pourquoi un comité ad hoc composé d'États neutres est-il constitué au printemps 1947, puis un comité spécial des Nations Unies sur la Palestine? Comment le discours du représentant soviétique Andrei Gromyko surprend-il tout le monde en invoquant le peuple juif alors que l'expression était proscrite dans le discours marxiste-léniniste? Quel est alors le retournement soviétique sur la question palestinienne? Enfin, qu'est-ce que la carte de la Palestine, dite portrait à la Picasso? Et nous gagnons le Collège de France le 16 janvier 2019 pour le cours d'Henri Laurence intitulé « Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique, aujourd'hui le plan de partage ». J'étais donc la dernière fois en 1946 avec le fait que le conflit de Palestine, ou la question de Palestine comme on dit à l'époque, c'est plutôt la question de Palestine, est devenu une affaire internationale, ne serait-ce que d'abord dans l'affrontement entre les Britanniques et les Américains sur ce dossier, alors que les deux puissances sont alliées dans le reste des dossiers, justement dans la montée de la guerre froide, mais aussi par l'affaire des personnes déplacées en Europe. Les pays d'Europe de l'Ouest sont impliqués dans la gestion du dossier, entre autres l'Italie et la France. Et une France qui, doit-on le reconnaître, a une rancœur envers la Grande-Bretagne en ce qui concerne les événements de Syrie de mai-juin 1945, ce qui fait que, par exemple, certains groupes radicaux sionistes ont obtenu l'autorisation discrète des services français de s'installer à Paris pour organiser des attentats en Europe contre la Grande-Bretagne, mais à condition qu'il n'y ait rien sur le territoire français. Autrement dit, quand on envoyait un colis piégé en Angleterre, on l'apostait à Bruxelles et pas à Paris. Et la DST couvrait. DST, pour ceux qui ne le savent pas, c'était la direction de sécurité, de sûreté du territoire. Et donc la DST couvrait les activités des attentats anti-britanniques organisés à Paris. Simplement pour montrer la rancœur chez certains milieux français provoqués par les événements de 1945. Alors, les Britanniques tentent une nouvelle fois une conférence réunissant les protagonistes, mais il faut d'abord définir qui sont les protagonistes. Pour les Arabes palestiniens, c'est la question du mufti. Pour les sionistes, les membres de l'exécutif de l'agence juive, puisque sont sur des listes, ils sont en exil maintenant, et ce sont des listes de personnes arrêtées par la police britannique. Donc le 9 septembre 1946, quand Clement Attlee inaugure la conférence de Londres, il n'y a que les représentants des pays arabes qui sont là. Donc ces discussions sont courtoises, mais les Arabes rejettent le plan dit Morrison Grady de cantonisation de la Palestine et proposent un partage du pouvoir avec les Juifs de Palestine sur le modèle du confessionnalisme libanais qui a été justement renforcé récemment par le fameux pacte national libanais. Alors ensuite, la conférence est suspendue. Ah oui, alors ce qu'évidemment les Arabes veulent bien, partage du pouvoir sur la base de tiers un tiers, et à condition que le rapport démographique ne soit pas changé, c'est-à-dire donc qu'il n'y ait pas d'immigration juive supplémentaire en Palestine. La question du dossier, si vous voulez, des deux côtés, c'est que personne ne veut devenir la minorité. D'abord parce qu'ils sentent qu'ils ont le droit d'être la majorité, et ensuite parce qu'ils n'ont strictement aucune confiance dans les assurances de l'autre partie. Les Arabes n'ont aucune confiance pour un statut de minorité dans un État juif, et les Juifs n'ont aucune confiance d'un statut de minorité juive dans un État arabe. Alors la conférence est suspendue le 2 octobre en raison de l'Assemblée générale de l'ONU, et un certain nombre de personnes qui sont présentes à Londres vont ensuite à l'ONU, qui est la grande rencontre annuelle des personnalités mondiales, chefs d'État ou chefs de gouvernement, comme aujourd'hui encore d'ailleurs. Et le 4 octobre, alors que l'Assemblée a à peine commencé, c'est la fête du Yom Kippour, et Truman, dans un discours, demande la délivrance immédiate de 100 000 certificats et une position de compromis entre le plan Morrison-Grady et le partage de la Palestine. Alors là, c'est totalement électoral, parce qu'il y a justement des élections à New York à ce moment-là, et l'électorat juif joue un rôle important à New York. Alors, pour les Britanniques, le comportement du président américain d'une totale irresponsabilité, il tire dans le dos des négociateurs britanniques, En revanche, aux États-Unis, la cause du sionisme est devenue maintenant une cause qu'on appelle bipartisane, c'est-à-dire qu'elle est soutenue par les deux grands partis politiques américains. Mais comme Truman perd les élections, enfin le Parti démocrate perd les élections de New York, Truman relaisse le dossier au Département d'État, qui, comme on l'a vu, est plutôt hostile à la cause sioniste. Présence de violence du 1er octobre au 19 novembre 1946 en Palestine. 99 soldats et policiers britanniques sont tués dans des attentats organisés par les différents mouvements sionistes. Et l'agence juive réprouve officiellement le terrorisme, mais sans rien faire pour s'y opposer, ce qui fait que bien plus tard, quand l'État d'Israël reprochera à Arafat de ne rien faire que de s'opposer au terrorisme, en fait, ils pensent à ce qu'eux-mêmes ont fait en 1946-1947 face aux Britanniques. Mais ces attentats contre les Britanniques en Palestine même, plus les attentats en Grande-Bretagne, par coup des piégés par exemple, provoquent une véritable montée d'antisémitisme en Grande-Bretagne, ce qui peut déboucher sur des violences en Angleterre même. Proportionnellement, il y a eu probablement plus de violences anti-juives en Grande-Bretagne en 1946-47 qu'il y en a eu en France sous l'affaire Dreyfus, si on peut avoir un degré de comparaison. Alors, la lassitude de l'opinion en Grande-Bretagne est aussi très forte, d'autant plus que le peuple britannique, il sort des longues années d'épreuves de la Seconde Guerre mondiale, et cette après-guerre est une après-guerre très austère, avec rationnement, etc., et continuation de dépenses militaires considérables, et ainsi de suite. Alors, Bevin résume devant le gouvernement britannique les trois options qui restent. Imposer par la force une solution acceptable pour une communauté, les militaires jugeant qu'il n'est pas possible de s'opposer à la fois aux deux. Donc, il faut choisir entre l'un et l'autre et imposer par la force. Deuxième solution, mettre fin au mandat et partir sans rien régler, ce qui serait un choc terrible pour le prestige britannique. Troisièmement, adopter un plan de partage fusionnant la partie arabe de la Palestine à la Transjordanie. Mais le problème, c'est que les Arabes non transjordaniens, enfin ou jordaniens, et les Palestiniens n'en veulent pas. Alors, la négociation est retardée parce que Bevin est occupé à ce moment-là, je vous le rappelle, par la négociation avec l'Égypte qui va amener à l'échec de l'accord Sidki-Bevin. Et donc, en raison de l'échec de l'accord avec l'Égypte, il ne peut plus être question de transférer les installations militaires britanniques de la base de Suez dans le désert du Negev. D'autre part, le Mufti est arrivé au Caire et il est en train de réorganiser une représentation politique palestinienne autonome et plus radicale. D'où le fait, à cause de l'existence du Mufti de Jérusalem et de son radicalisme, que les Britanniques ne peuvent pas accepter l'idée de création d'un État arabe palestinien, puisqu'il serait automatiquement aux mains du Mufti de Jérusalem, parce que tout le monde sait que la majorité de l'opinion publique arabe palestinienne le soutient. Et une Palestine arabe serait un danger pour l'Empire britannique au Proche-Orient. Il en résulte que Bevin, lui, il veut absolument que la partie arabe, s'il y a partage, aille au roi Abdallah de Jordanie maintenant, parce qu'il est roi de Jordanie, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Et sur cette base, Abdallah a repris des contacts par émissaire interposé avec le mouvement sioniste, disant qu'il est prêt à accepter un État juif en Palestine sur la base d'un partage, et allant jusqu'à demander de l'argent, enfin des financements, pour l'aider au passage à prendre la couronne de Syrie. Mais comme le mouvement sioniste, pour l'instant, officiellement, n'est pas partisan du partage, les sionistes ne suivent pas les propositions du roi de Jordanie. Alors, le nombre d'Arabes tués dans les attentats, bon, même si ce sont des pertes dites collatérales, exaspère la population arabe, qui adopte donc une position de plus en plus intransigeante. Et finalement, les Britanniques, pour la reprise de la conférence de Londres, acceptent une représentation du Haut Comité arabe, évidemment sans le mufti. Mais donc, en dehors du mufti, des représentants, c'est-à-dire des gens en général que les Britanniques ont mis en prison et en exil les années précédentes, et qui vont sortir de leur exil ou de leur prison pour les amener à négocier. Ça, ce sera un changement d'ambiance qui est propre à celle de la période de la décolonisation. Vous savez que les leaders nationalistes sont des affreux terroristes qui sont en prison, et puis 6 mois après, ce sont des heureux chefs d'État qui sont des partenaires d'un pays indépendant. Ça, c'est arrivé un certain nombre de fois après 1945. Les sionistes ne sont toujours pas présents à la conférence de Londres, mais maintiennent les contacts avec les autorités britanniques. Et donc, ils font savoir qu'ils pourraient envisager un plan de partage. Le 30 janvier, Bevin somme les uns et les autres d'accepter un État binational avec une forte autonomie provinciale. Les Arabes refusent le projet britannique, tandis que le mouvement sioniste refuse de communiquer ses propositions de partage. Parce que soit ils font des propositions maximalistes et ça ne passera pas, soit ils font des positions qui sont modérées, entre guillemets, mais qui ne seront pas acceptables pour toute une partie du mouvement sioniste qui trouverait que ce serait insuffisant. Donc ils veulent bien d'un partage, mais ils veulent pas donner les détails du partage. Le 7 février 1947, Ernest Bevin avance son ultime proposition, tutelle de l'ONU, division en provinces autonomes sans continuité territoriale, limitation de l'immigration à 4000 personnes par mois pendant 2 ans, ce qui correspondrait aux 100 000 certificats demandés par les Américains. Et ensuite, immigration sur la base de la capacité économique d'absorption, élection dans 4 ans d'une assemblée constituante, et en cas de désaccord, c'est le conseil des tutelles de l'ONU qui trancherait. Le point essentiel, c'est qu'en réalité, le plan Bevin là, propose une véritable liberté d'immigration juive, mais sans le dire. Parce que il n'est pas question d'apparaître devant les Arabes comme agissant dans le sens de constitution d'une majorité juive en Palestine. Alors, quand oralement les sionistes font quand même indication de leur projet de partage, le problème c'est que l'État juif a une majorité d'habitants arabes, ce qui est un peu gênant pour l'affaire. Alors, dans tout ça, il faut bien se rappeler, parce que c'est le sens des cours que je vous ai donnés précédemment, que les acteurs arabes agissent dans le dossier de Palestine en fonction du contexte régional. C'est-à-dire les échecs des négociations entre l'Égypte et la Grande-Bretagne d'un côté, puis la crise qui va bientôt arriver entre l'Angleterre et l'Irak, et le fait que du coup, comme les Hachémites apparaissent comme les partisans des Britanniques, les adversaires des Britanniques et l'Égypte en premier font une violente campagne contre les Hachémites. C'est le fameux axe Égypte-Arabie Saoudite contre puissance Hachémite qui va dominer la politique arabe jusqu'à 1957. Et donc, ils vont toujours agir en fonction des ambitions supposées ou réelles des Hachémites et en particulier du roi Abdallah de Jordanie. Alors, les Britanniques multiplient les accusations contre les Américains qui agissent de façon irresponsable pour des considérations bassement électorales, qui laissent le financement des organisations terroristes sionistes se faire aux États-Unis. ça rappelle des choses aussi. Donc les Anglais disent c'est insupportable, c'est avec l'argent récolté par les organisations sionistes aux États-Unis qu'on assassine des soldats britanniques en Palestine. Alors, les Truman, les Américains discutent, c'est pas vrai du tout, qu'ils sont purement humanitaires, que les 100 000 certificats, ce n'est juste une question humanitaire et pas, éventuellement, ils disent quand même, c'est pour diminuer le nombre de personnes déplacées que nous, nous gérons en Europe, puisque les camps de personnes déplacées sont gérés par l'armée américaine. Mais c'est tout. Et Truman va jusqu'à signer une lettre à Ibn Saoud pour dire, qui n'est pas prêt à se lancer dans une politique qui serait préjudiciable à la population indigène de Palestine. Le terme indigène est utilisé dans la lettre Indigenous Population. Donc on peut supposer que les indigènes, ce sont les Arabes, mais vu que les Américains ont une façon particulière d'avoir traité leurs propres indigènes, c'est pas nécessairement une bonne chose. On a, et ça c'est toujours le problème de la question de Palestine, c'est que, en fait, c'est un facteur d'ennui politique considérable pour tous les acteurs de ce dossier. Les États-Unis ne peuvent pas se substituer aux Britanniques au Moyen-Orient, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, en raison de la multiplicité des engagements militaires américains dans le monde. Mais les Britanniques se mettent à dos le nationalisme arabe. Donc il faudrait qu'ils soient plus accommodants avec les Arabes. Mais le problème, c'est que justement, ce qui fait monter la tension contre les Britanniques, c'est le dossier de la Palestine sur lequel les Américains ont une responsabilité. Donc on voit que c'est vraiment un nid de problèmes. Alors... Donc, les guerriers de la guerre froide, les Cold Warriors, sont plutôt sympathiques pour la cause britannique, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement à cause des positions de la Maison-Blanche. Non, on trouve à peu près la même chose dans les archives américaines concernant l'Afrique du Nord française. Les Américains envoient des signaux aux Français en disant que le nationalisme est en train de monter en Afrique du Nord et qu'il serait temps que les Français fassent du self-government en Afrique du Nord. Il s'agit essentiellement de la Tunisie et du Maroc à l'époque. Et la réponse des Français, c'est que le conseil est bien gentil, mais le problème, c'est que les intéressés, les indigènes, ils veulent pas du self-government, ils veulent de l'indépendance. Ce qui n'est pas la même chose. Je reviens sur cette idée que la notion de self-government reste une notion difficile pour les Français. Alors, le mois de février 1947, c'est un hiver particulièrement froid et une terrible vague de froid frappe l'ensemble de l'Europe, en particulier les îles britanniques. La Grande-Bretagne est totalement paralysée par la neige et on n'arrive pas à déneiger, on manque de carburant tout simplement. Il faut bien penser qu'on vit dans un temps de très fortes restrictions matérielles dans l'ensemble de l'Europe. On est très au-dessous des niveaux de consommation d'avant 1938 en Europe à cette époque. Devant le gouvernement britannique, le 14 février, Bevin fait la synthèse et propose de transférer le dossier palestinien aux Nations Unies. Il voit là une astuce, parce que on ne peut pas imposer de solution aux Arabes par la force, ce serait s'aliéner l'ensemble du monde arabe. On ne peut pas imposer une solution aux sionistes parce qu'ils sont protégés par les Américains. Et donc on va renvoyer un dossier à l'ONU qui montrera qu'elle est impuissante à faire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, les Britanniques auront de nouveau les cartes en main. Alors, c'est la fameuse semaine du milieu du mois de février 1947, puisque c'est dans la même semaine que le gouvernement britannique transfère la Palestine à l'ONU, puisque c'est un mandat, donne l'indépendance à l'Inde et abandonne la couverture de la Turquie et de la Grèce, qui donnera naissance à la doctrine Truman si vous rappelez. Donc, pour les contemporains, c'est bien la signe que l'Empire britannique est en train de vaciller. Maintenir 100 000 soldats, parce qu'il y a 100 000 soldats britanniques en Palestine hein, au début de 1947, c'est-à-dire pratiquement que 5% de la population de la Palestine est composée de soldats britanniques au début de 1947, si vous donnez le rapport. Donc, 100 000 soldats en Palestine n'a aucun sens quand la Grande-Bretagne quitte l'Inde. Et de toute façon, ces 100 000 soldats, ils sont indispensables en Europe face à la menace de l'armée rouge. Alors, la violence continue. Les Britanniques essayent de faire ce qu'ils avaient fait en 1938 contre la révolte palestinienne, c'est-à-dire du contre-terrorisme, c'est-à-dire donc tout simplement d'assassiner des militants de l'autre côté. Donc, en 1938, c'était des chefs arabes qui étaient assassinés. Mais quand ils essayent d'assassiner des militants sionistes, cela échoue et surtout la presse internationale s'en saisit. Il était possible d'assassiner des militants arabes en 1938, il n'est pas possible de faire la même chose pour des sionistes en 1947. Ne serait-ce qu'en raison, d'abord ils sont trop européens, ils ne sont pas des indigènes au sens de l'autre, et d'autre part, il y a la presse internationale qui donne une couverture des événements très hostiles aux Britanniques. Donc c'est dans ce contexte que l'agence juive lance une grande opération de communication politique. Un navire pouvant accueillir plusieurs milliers de réfugiés et rebaptisé Exodus 1947 a pu quitter l'Italie pour Sète, où il arrive le 9 juillet 1947 pour embarquer de nouveaux immigrants sous la protection de la police française, bien que les Français aient dit exactement le contraire aux Britanniques qu'ils empêcheraient d'embarquer les réfugiés. En fait, c'est la police française qui les fait monter à bord. Hein. Toujours ce rapport très difficile entre Français et Britanniques à la suite des événements de 1945. Et donc, le bateau ensuite part... Et le 18 juillet, il est intercepté au large de la Palestine. Comme les camps d'internement britanniques à Chypre sont surchargés, les Britanniques sont décidés, pour montrer l'exemple, de ramener les réfugiés dans leur lieu de départ, c'est-à-dire à Sète, en Languedoc. La France accepte de les accueillir à condition qu'il n'y ait pas d'usage de la force. Et l'essentiel des migrants ou des réfugiés, si vous préférez, refusent de descendre à terre à Sète. Et finalement, les Britanniques sont obligés de transférer le bateau en Allemagne et de les convoyer vers leur zone d'occupation en Allemagne. Ce qui, évidemment, fait très mauvais effet de ramener les Juifs là où a lieu l'extermination peu d'années avant. Donc la politique de refoulement se révèle un échec désastreux sur le plan médiatique, tout en étant très coûteuse en moyens. Le calcul de Bevin était simple, l'ONU n'arriverait pas à une décision puisqu'il faudrait un vote aux deux tiers à l'Assemblée générale. Après tout, les États musulmans représentent le cinquième des votes. La plupart des pays non européens sont catholiques, à cause de la surreprésentation de l'Amérique latine à l'époque. Et le Saint-Siège est connu pour être hostile au sionisme. Et de façon générale, l'Union soviétique est plutôt connue idéologiquement pour être hostile au sionisme, puisque je rappelle que le parti bolchevique et les mouvements sionistes sont sortis de la même matrice politique de la Russie d'avant 1914. Et donc c'était des adversaires politiques d'avant la révolution russe. Alors, on procède à une assemblée générale extraordinaire pour le 28 avril 47. Et immédiatement, les Britanniques posent la règle du jeu. Ah ben voilà, c'est simple. Si on a transmis le dossier à l'ONU, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de solution qui soit acceptable pour les deux parties. Et nous refuserons d'appliquer une décision n'importe laquelle si elle n'est pas acceptée par les deux parties. Autrement dit, vous pouvez faire tout projet que vous voulez, mais si vous n'arrivez pas à un accord préalable entre Arabes et Juifs, eh bien, la Grande-Bretagne ne l'appliquera pas. Alors, les Arabes demandent une indépendance immédiate de la Palestine, et évidemment, cela est refusé. Et donc, on passe à la constitution d'une commission extraordinaire de l'ONU pour étudier le problème, ce qu'on appelle un comité ad hoc, en bon latin. Et donc, on choisit des États considérés comme neutres, n'ayant pas d'intérêt au Moyen-Orient. L'Australie, le Canada, la Tchécoslovaquie, le Guatemala, l'Inde, l'Iran, les Pays-Bas, le Pérou, la Suède, l'Uruguay et la Yougoslavie. Collège de France et France Culture vous présentent l'historien Henri Laurence, Les Crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui le plan de partage. Alors, le moment le plus important de cette session extraordinaire, parce que ça va influer sur le reste des événements, est la déclaration du représentant soviétique à l'ONU, Andrei Gromyko. On a tellement l'habitude, pour ceux qui ont connu la guerre froide, de l'avoir vu beaucoup plus vieux, que là, on voit que c'est un tout jeune homme à l'époque. Et alors, à la surprise générale, le représentant soviétique évoque... et la notion de peuple juif et l'extermination qu'il a connue. Je cite, « Le peuple juif a enduré pendant la dernière guerre des malheurs et des souffrances extraordinaires. Ces malheurs et ces souffrances peuvent, sans exagération, être qualifiés d'indescriptibles. Il est difficile de les exprimer par des colonnes de chiffres abstraits, indiquant le nombre des pertes en vie humaine infligées au peuple juif par les occupants fascistes. Dans les territoires sur lesquels s'est étendue la domination hitlérienne, les Juifs ont été presque complètement exterminés. Le nombre total de Juifs tués par les bourreaux fascistes est d'environ 6 millions. Seulement 1,5 million de Juifs environ ont survécu à la guerre en Europe occidentale. » C'est à peu près à cette date qu'on a le chiffre de 6 millions. Bon, je crois que les historiens travaillent en disant que c'est à peu près ça. Je crois que les estimations actuelles vont entre 5 700 000 et 6 millions, mais donc on est dans le bon créneau de chiffres. Mais ces chiffres qui indiquent les pertes infligées au peuple juif par les agresseurs fascistes ne suffisent pas pour se rendre compte de la situation pénible dans laquelle se sont trouvés un très grand nombre de juifs après la guerre. Alors là, dans son discours, il passe sous silence le comportement des autorités soviétiques et des régimes alliés en Europe centrale et orientale qui sont plutôt hostiles aux populations juives résiduelles d'après l'extermination. Et il ne parle pas non plus de l'existence d'une nationalité juive en Union soviétique à qui il est interdit d'avoir la moindre affirmation politique. Et donc évidemment le représentant soviétique s'en prend aux Occidentaux. L'expérience du passé et surtout de la Seconde Guerre mondiale a prouvé qu'aucun des pays d'Europe occidentale n'a été en mesure d'accorder au peuple juif l'aide nécessaire pour la défense de ses droits et la protection de son existence même, qui mettait en danger les Hitlériens et leurs alliés. C'est là un fait pénible, mais qu'il faut reconnaître, hélas, comme il faut reconnaître tous les faits. Qu'aucun des pays d'Europe occidentale n'était en mesure d'assurer la défense des droits élémentaires du peuple juif ou de le protéger contre les violences déclenchées par les bourreaux fascistes. Cela explique l'aspiration des Juifs à la création d'un État à eux. Il serait injuste de ne pas tenir compte de ce fait et de refuser au peuple juif le droit de réaliser de semblables aspirations. On ne saurait justifier le refus de ce droit au peuple juif si l'on tient compte de tout ce qu'il a souffert au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce texte a évidemment énormément intrigué à la fois les contemporains, puisque c'est un renversement total de la politique soviétique, et en même temps, ça a aussi tout à fait intrigué les historiens jusqu'à maintenant. Le sionisme était interdit en Union soviétique et les militants sionistes, après la révolution d'octobre, avaient été emprisonnés ou éliminés, sauf ceux qui étaient passés directement au parti bolchevique, beaucoup de militants sionistes russes étant passés au parti communiste dans la foulée de la révolution. Et le terme « peuple juif » était interdit dans le discours marxiste-léniniste. Alors, les contacts avaient été repris entre le mouvement sioniste et l'Union soviétique avec le début de la Seconde Guerre mondiale, enfin à partir de Barbarossa, évidemment. Et les Juifs soviétiques avaient été utilisés par la propagande soviétique pour renforcer l'aide à la Russie en faisant des actions de propagande à destination des pays occidentaux, c'est-à-dire essentiellement la Grande-Bretagne et surtout les États-Unis. Et à cause de cette action de propagande, les services soviétiques avaient repris contact avec l'agence juive vers 1941-1942. Et Moscou, en 1945, avait plaidé pour une mise sous tutelle de la Palestine. Après tout, Moscou avait aussi plaidé pour une mise sous tutelle de la Libye. Et évidemment, les Occidentaux n'avaient pas voulu de ce trusteeship, puisque ça aurait donné un appui à l'Union soviétique à l'intérieur du Proche-Orient. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qu'on peut discerner dès 1947, qui serait une volonté soviétique de vouloir devenir un acteur de la scène politique du Moyen-Orient, ce qui renvoie à la fois au XIXe siècle, dans le concert des puissances, et à ce qui sera la ligne de longue durée jusqu'à aujourd'hui, de tous les gouvernements, de tous les pouvoirs à Moscou, d'être un acteur sur la scène du Proche-Orient. Mais en Europe même, l'Union soviétique avait autorisé le départ des Juifs, sauf des Juifs soviétiques. Alors, avec des choses un peu plus compliquées, puisque comme vous savez qu'une partie de la Pologne a été annexée par l'Union soviétique, d'abord en 1939, et puis de nouveau en 1945. Et l'Union soviétique a autorisé les Juifs polonais qui étaient dans les territoires annexés à l'Union soviétique de partir vers l'Ouest. Ils n'étaient pas encore considérés comme totalement soviétiques à ce moment-là. Et donc, on a pu estimer qu'il y avait eu environ 200 000 Juifs polonais qui avaient survécu au génocide en Union soviétique et qui ont été rapatriés en Pologne. Et de là, en Pologne, la très grande partie de ces 200 000 Juifs sont allés rejoindre les personnes déplacées en Europe de l'Ouest. Ce qui était d'ailleurs un facteur aggravant pour la politique occidentale, puisque c'était les Américains qui géraient les camps de personnes déplacées et qui y trouvaient désagréable de voir l'augmentation continue des effectifs des camps, puisque c'était une charge financière et humaine pour l'armée américaine stationnée en Allemagne. Alors, dans les derniers mois de la guerre, l'Union soviétique a commencé à prendre pied politiquement au Proche-Orient en ouvrant des délégations diplomatiques au Caire, à Beyrouth et à Bagdad. Avant, il n'y avait pas de représentation diplomatique soviétique en Moyen-Orient, sauf pendant quelques années, c'est assez curieux, à Jeddah, Je vais vous le rappeler, je l'avais expliqué. C'était un musulman soviétique qui tenait le consulat soviétique à Jeddah. Et puis Staline a décidé de fermer et d'envoyer le consul au goulag. Il en est mort d'ailleurs. Mais ça, c'était la promotion des cadres sous Staline. Les partis communistes qui sont en voie d'émergence au Proche-Orient ont aussi maintenant été pris comme facteurs importants dans la politique soviétique. Mais avec le problème, c'est que les partis communistes ne recrutent surtout que dans les minorités, soit des Juifs, soit des Arméniens, soit des Kurdes aussi. Les Kurdes étant assez favorables à l'Union soviétique, puisque en Iran, l'Union soviétique avait favorisé la création de la République de Mahabad, si vous vous rappelez. Et après l'évacuation de l'Iran par les troupes soviétiques, l'Union soviétique avait joué une action de propagande pour le départ de toutes les troupes occidentales du Proche-Orient, ce qui avait valu les faveurs des opinions publiques de la région. Fondamentalement, pour Moscou, les régimes arabes sont tous des laquais de l'impérialisme. Et donc, il faut être hostile à ces laquais de l'impérialisme qui ne profiteront en rien à l'Union soviétique. En Palestine, le discours était une entente judéo-arabe. Bon, Benjamin El-Sayni, quand il est arrivé au Caire en 1946, il a fait ce qu'il a toujours fait dans sa vie, il a fait des offres de service à l'Union soviétique. Je me rappelle, il l'avait fait aux Anglais, aux Français, aux nazis, et maintenant en 1946, il le fait à Staline, mais les soviétiques avaient fait la sourde oreille à ses propositions. Au contraire, c'est l'extrême droite radicale sioniste qui a des liaisons avec l'Union soviétique à l'époque, c'est-à-dire l'Irgun Elstern. Alors, les responsables sionistes interprètent le discours de Gromyko comme allant dans le sens du partage. Les Américains ne veulent pas croire à un tel rapprochement des deux positions dans le contexte de la guerre froide. Durant toutes les phases suivantes, ils ne verront dans les actions soviétiques qu'un pur opportunisme destiné à ébranler les positions occidentales dans la région, ce qui n'est pas faux. Ils refuseront donc toute coordination avec les Soviétiques, ne serait-ce que pour pas apparaître vouloir établir un condominium américano-soviétique au Proche-Orient. En réalité, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à M. Trump exclu, même M. Obama, la politique américaine a été toujours d'essayer d'éviter ou de chasser les Russes de cette région du monde. Alors, en fait, tout le monde se dit que la partie perdante, qu'il soit juif ou arabe, basculera du côté des Russes au détriment des intérêts occidentaux. Alors, on a donc la formation de la Commission des Nations Unies, l'UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine, Comité spécial des Nations Unies sur la Palestine, est créé le 15 mai 1947. Un mois plus tard, le comité commence ses auditions à Jérusalem, au YMCA de Jérusalem. La position de départ de YMCA, donc c'est une institution protestante, est d'ailleurs très bien implantée en Palestine, Youthman Christian Association. D'ailleurs, les frères musulmans s'inspireront beaucoup de l'expérience des YMCA pour constituer leurs propres institutions. Ça, c'est une autre affaire. Donc, un mois plus tard, les auditions commencent à Jérusalem. Et la position de départ des sionistes, l'établissement d'un État juif sur une partie de la Palestine et le maintien du reste sous tutelle internationale dans l'attente d'une absorption ultérieure par l'État juif. Ils se rendent compte que ce n'est pas acceptable et donc ils se limitent à la revendication d'une constitution d'un État juif viable. La majorité de la commission tombe rapidement d'accord sur ce principe, tout en se rendant compte que les Arabes palestiniens et l'ensemble des pays arabes refusent cette solution. Alors la commission se rend ensuite à Genève pour rédiger son rapport. Tous les commissaires conviennent que les revendications arabes et juives sont incompatibles, que la cantonisation et l'État binational sont rejetés par une très grande majorité et qu'il faut maintenir l'unité économique du pays. Ensuite, la commission se divise entre une majorité et une minorité. Alors la majorité composée du Canada, du Guatemala, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède, de la Tchécoslovaquie et de l'Uruguay propose un partage avec Union économique et internationalisation de Jérusalem et de sa région. L'indépendance ne sera accordée qu'après l'adoption des textes constitutionnels préservant les libertés fondamentales et la conclusion d'un traité d'union économique. La puissance mandataire, à qui on n'a pas demandé son avis, et qui paie régulièrement des hommes en Palestine, sera chargée de la transition. C'est ça le problème, c'est que le plan de la majorité suppose que les Britanniques l'appliquent. Or, les Britanniques, dès le départ, ont dit qu'ils ne l'appliqueront pas. Alors, dans les plans de partage précédents, la partie juive est définie par la présence juive existante avec la possibilité d'une immigration massive, c'est-à-dire donc l'arrivée d'une population supplémentaire, tandis que la partie arabe l'est négativement, c'est-à-dire par l'absence de peuplement juif. Donc, dans le plan de la majorité, on aura au départ 498 000 juifs, 407 000 arabes sédentaires et 90 000 bédouins dans l'État arabe, ce qui donnerait officiellement, si vous calculez bien, qu'une majorité de 1000 juifs. Ce qui est d'ailleurs tout à fait tendancieux parce que le calcul de la population bédouine, il est fait un peu à la louche parce qu'ils sont plus difficiles à recenser que le reste de la population. En revanche, l'État arabe aurait 720 000 arabes sédentaires et 10 000 juifs. Mais cela implique, pour arriver à un tel résultat, d'abandonner le principe de continuité territoriale pour celui de contiguïté. Je cite, « Presque tous les projets de partage antérieurs se sont heurtés à ces difficultés. La séparation de l'importante population concentrée en Judée et en Samarie de la population arabe en Galilée. Si l'on incorpore l'ensemble de la Galilée à un État juif, on réalise la continuité des frontières, mais l'importante population arabe de la Galilée occidentale est incorporée à l'État juif et l'État arabe est affaibli tant du point de vue économique que politique, du fait qu'une zone arabe très développée lui est refusée. Le présent projet de partage résout ces problèmes en traçant des frontières qui prévoit deux points de jonction importants, l'un entre la Galilée occidentale et la Samarie, et l'autre au sud, à proximité de Gaza. À ces points de jonction qui semblent appropriés, les frontières aboutiraient, dans chaque cas, à une zone de faible étendue où toute construction serait interdite et qui constituerait un condominium. Par ce moyen, il a été possible d'incorporer la Galilée occidentale à l'État arabe sans qu'elle soit entièrement séparé de la Samarie par le territoire de l'État juif. Avec donc deux points de continuité entre la Cisjordanie et deux parties supplémentaires de l'État arabe. C'est ce qu'à l'époque on a appelé un portrait à la Picasso. On voit tout de suite que dans le projet de la majorité, les Arabes perdent à la fois les trois premières villes de la Palestine, Jérusalem qui est internationalisée, Jaffa et Haïfa, qui deviennent deux villes arabes enclavées dans l'État juif et dotées d'une certaine autonomie municipale. Comme la zone économique la plus productive de la Palestine et de littoral, aussi bien du côté juif que arabe, le plan de la majorité, en fait, enlève à la partie arabe toute la zone de haute productivité économique, là où se trouve la bourgeoisie levantine, qui, comme je l'ai expliqué l'autre jour, était celle qui faisait face, sans capitaux supplémentaires, à la progression économique du foyer national juif. Le projet de la minorité, Inde, Iran et Yougoslavie propose un État fédéral pour éviter la constitution de minorités et d'irrédentisme. Deux États, mais un gouvernement fédéral avec une chambre élue à parité des populations et une autre en fonction du rapport démographique. L'immigration juive serait fixée internationalement en fonction de la capacité économique d'absorption. L'Australie s'est abstenue. Là, vous notez tout de suite que la Tchécoslovaquie se trouve dans la majorité, tandis que la Yougoslavie se trouve dans la minorité. Comme on est encore avant la rupture entre Staline et Tito, ça veut donc dire qu'à ce moment-là, à l'été 1947, l'Union soviétique n'a pas encore pris de décision. Hein, puisque sinon, l'un des deux alliés de l'Union soviétique, les deux alliés de l'Union soviétique auraient été dans le même camp s'il y avait eu instruction du Comintern. Le rejet arabe est total, tandis que les sionistes acceptent le plan tout en émettant des réserves sur la Galilée et la Jordanie, parce qu'ils voudraient voir aussi une partie de la Jordanie. Les militaires britanniques considèrent qu'ils n'ont pas moyen d'appliquer le plan s'il y a opposition et qu'ils perdent tout avantage stratégique du fait de l'absence de traité d'alliance. Le 20 septembre 1947, le gouvernement britannique, enterré de l'analyse de Bevin, appliquer l'un ou l'autre projet ruinerait la présence britannique au Moyen-Orient. Il faut suivre l'exemple indien, quitter la Palestine en indiquant une date limite pour mettre les intéressés au pied du mur. Vous vous rappelez, en Inde, Mountbatten, avec l'accord du gouvernement britannique, a dit « Bon, l'Inde sera indépendante le 15 août, nous partons, arrangez-vous entre vous. » Ça fait 2 ou 3 millions de morts, hein. On a trouvé ça que c'était un bon règlement. Je sais pas, il y a eu centaines de milliers de victimes dans le partage, dans la partition de l'Inde en 1947. Donc c'était pas exactement un bon modèle, mais enfin. Alors, autant qu'on puisse le savoir dans nos connaissances d'aujourd'hui, la décision soviétique définitive a dû être prise à la fin de l'été 1947 dans le contexte du plan Marshall. Alors que ses concepteurs avaient vu dans le relèvement économique de l'Europe de l'Ouest le moyen d'éviter d'avoir renforcé les forces américaines dans cette région du monde, le pouvoir soviétique l'avait considéré comme une remise en cause de sa sphère d'intérêt en Europe orientale. C'était ça le problème. Marshall, Kennan et les autres, ils ne voulaient pas d'une présence militaire importante américaine en Europe. Donc l'aide économique était destinée à éviter de renforcer l'armée américaine en Europe. Mais on ne pouvait pas, en 1947, ne pas proposer le plan Marshall aux pays d'Europe de l'Est, tout en sachant pertinemment qu'il y avait de bonnes chances qu'ils refusent, puisque Moscou leur aurait indiqué. Mais comme on avait proposé à la zone soviétique d'entrer dans le plan Marshall, les soviétiques ont vu un danger pour leur propre zone. Donc ils se radicalisent, ce qui va conduire les Américains à devoir se renforcer militairement en Europe. Vous voyez, les mécanismes. Vous savez, l'essentiel de la politique internationale est fait d'erreurs de calcul. Et non pas de conspiration, comme d'aucuns peuvent le croire. Donc, il y a un durcissement généralisé de la ligne d'action, avec en particulier la liquidation de ce qui reste du pluralisme politique en Europe orientale. Ça va donc amener à toute une série de prises de pouvoir définitives des communistes en Europe orientale, qui va amener un durcissement occidental dans la région. Et après tout, pour Moscou, après la doctrine Truman, les États arabes sont la seconde ligne de l'encerclement de l'Union soviétique par les Occidentaux. Donc, si on démantèle la présence britannique en Palestine, on donne un coup terrible au dispositif militaire occidental. Ce qui n'est pas faux, hein. Jusque-là. Ce qui est intéressant rétrospectivement, c'est le fait que nous avons, dans cette année 46-47, un certain nombre de termes qui reviennent jusqu'à aujourd'hui dans le dossier. Vous comprenez que, évidemment, la question des personnes déplacées et des réfugiés en Europe nous rappelle les situations tragiques que nous pouvons vivre aujourd'hui. Mais en dehors de cela, dans ce qui est proprement palestinien, par exemple, la question d'un État, la question d'une cantonalisation, c'est-à-dire diviser le territoire en micro-territoires qui pourraient être répartis, et la question qui est abordée pour la première fois dans le plan de partage, celle de la contiguïté et de la continuité, est une question essentielle dans tout le dossier depuis Camp David. Enfin, toutes les propositions israéliennes de territoire proposent un État ou un des territoires palestiniens qui sont en contiguïté, tandis qu'ils veulent la continuité entre les territoires de l'État israélien et les colonies juives en Cisjordanie. Donc ce débat continuité-contiguïté qui a été abordé en 1947 est devenu un des éléments essentiels de toutes les tentatives de règlement depuis une vingtaine d'années, si enfin il y a encore des tentatives de règlement aujourd'hui, ce qui est un autre problème. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 16 janvier 2019 l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui le plan de partage. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux, 1768-1914, chez Fayard en 2017. Et prochainement, le tome 2 de ces crises d'Orient va paraître sous le titre La naissance du Moyen-Orient, 1914-1949. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous achèverons l'analyse de l'hégémonie britannique au Moyen-Orient et le coup de grâce donné par le premier conflit israélo-palestinien en compagnie d'Henri Laurence. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de France Culture.